c'est le temps d'un bivouac. Bonjour Daniel Fievet. Oui, bonjour Alexis Demeyer. Je vous emmène bivouaquer en zone interdite pour cette première heure. Nous partons dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Je vous suis discrètement. Voilà, et on vous retrouve à 17h. À tout à l'heure. Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora les Vainées, tu connais ? Mais croyez-moi, je peux regarder les paysages par le hublot. Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. Je suis prêt. Daniel Fievé. Le 26 avril 1986, le quatrième réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose. Une trentaine d'heures après la catastrophe, la population environnante est évacuée. Les gens partent en laissant tout derrière eux. Pour la plupart, ils ne reviendront jamais. Tout est laissé là, en l'état. Après l'accident, une zone d'exclusion est délimitée autour de la centrale. Aujourd'hui, on y trouve une ville fantôme, des villages abandonnés et des forêts irradiées. Mais l'endroit n'est pas complètement désert. La faune n'a pas disparu. On peut aussi y croiser quelques habitants revenus malgré l'interdiction, des travailleurs intermittents, des scientifiques, des artistes et même des touristes. Cet après-midi, nous partons explorer cette terre fantomatique, cette zone qu'une explosion déclenchée en une fraction de seconde a transformée pour des milliers d'années. J'aimerais connaître la vraie version des choses, les événements, les histoires. Alors là, sire, on en a des choses à vous raconter. Des aventures, plein la musette. Du coup, c'est pas bien par quoi commencer. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Galia Ackermann. Bonjour. Vous êtes historienne et journaliste, auteur de plusieurs ouvrages sur la catastrophe de Tchernobyl, notamment Traversée de Tchernobyl aux éditions Premier Parallèle, un récit personnel qui retrace 20 ans de voyage dans la zone interdite. Vous allez donc être notre guide pour ce bivouac un peu particulier en terrain radioactif. Et les auditeurs peuvent vous envoyer leurs questions en se rendant sur la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. À 17h, comme tous les mercredis, en deuxième heure, nous partirons sur les pas d'un voyageur d'hier qui a marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous reviendrons sur le premier tour du monde en bateau réalisé par l'expédition de Fernand de Magellan. C'était il y a tout juste 500 ans. Voilà pour les grandes étapes du jour. Cette émission est réalisée par Marion Lelay. Les deux heures ont été préparées par Mathieu Aoued. Chapeau l'artiste. Là, je rentre dans l'immeuble par ici. Et juste, il y a un amoncellement de meubles, de tout. Des canapés, des armoires, des commodes, des tables, tout est renversé. Le plafond s'est effondré, il y a les canalisations. Là-bas, au fond, il y a encore une pièce qui est ouverte. On va peut-être pouvoir s'y glisser. Pareil, le double toit s'est complètement effondré. Et ici, en revanche, les vitres ont tenu. Donc, j'imagine, je ne sais pas ce que ça pourrait être ici. Mais en tous les cas, on est au pied, au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation. Par où on est rentré ? On est par ici. Attention, vraiment, il y a du verre qui est partout. Et tu vas au-dessus, donc voilà, c'était certainement un immeuble d'habitation. Alors, je sais pas comment on peut faire pour y accéder. Un immeuble classique, un peu... Bah, c'est style soviétique, hein, c'est pas, y a pas de fioriture. Hein. En revanche, on voit bien les balcons, les fenêtres. Une sur deux est ouverte, et tout ça... fait vraiment une drôle d'impression, parce que bah, c'est fantomatique. Il y a plus personne, ça a été totalement... totalement déserté et plus jamais habité depuis. Reportage de Manuel Ruffès pour France Inter. En 2016, nous étions dans la ville de Pripyat, hein, qui est aujourd'hui une ville fantôme. Elle se situe à 3 km de la centrale de Tchernobyl. Galia Ackermann, Pripyat, c'est figé dans le temps. Pour vous, c'est un peu comme un Pompéi après l'éruption du Vésuve. Oui, j'ajoute que c'est un Pompéi soviétique. Parce que Pripyat a été une ville modèle. Elle a été construite parallèlement avec la construction de la centrale. Il faut dire que pour la centrale de Tchernobyl, la direction soviétique prévoyait un futur extrêmement brillant parce que ça devait devenir à terme la plus grande centrale du monde avec 12 réacteurs, dont 4 seulement au moment de l'explosion fonctionnaient. Et donc la ville de Pripyat, qui je pense même se situe non pas à 3 mais à 2 km de la centrale tout près, Elle logeait les travailleurs de la centrale et aussi des bâtisseurs, des gens qui continuaient à construire la centrale. Aujourd'hui, quand on voyage, on voit toujours des grues qui sont figées à côté de réacteurs inachevés. Mmh. Donc ça aussi, c'est figé pour l'éternité. Un modèle donc de ville communiste. Combien de personnes vivaient à Pripyat au moment où est survenue la catastrophe ? À peu près 50 000 personnes, et c'était, il faut dire, la ville la plus jeune de toute l'Union soviétique. L'âge moyen était de 27 ans, et il y avait 1000 bébés qui naissaient tous les ans, parce que c'était encore une époque où, là-bas en tout cas, les femmes commençaient à avoir des enfants assez tôt. Et donc une ville avec des avenues larges, avec des appartements assez confortables, par des standards soviétiques, bien sûr. Il y avait une grande piscine. Il y avait des salles de sport, un cinéma, un restaurant, des cafés, une discothèque et la forêt tout à fait à côté et la rivière de Pripyat qui a donné son nom à la ville. Donc les gens se sentaient heureux, ils étaient près de leur travail, c'était une promenade le matin pour aller au travail. Ils étaient près de la nature, la ville était extrêmement sportive, on faisait pas mal de compétitions, ski, hockey en hiver et plusieurs sports en été, on cueillait des champignons et des baies, enfin c'était à peu près l'idylle. Oui, c'est ça, à peu près l'idylle, hein. Évidemment ça a changé depuis. Alors il y a un autre endroit encore plus mystérieux qui est resté figé, un village caché dans lequel on ne pouvait pénétrer qu'avec l'autorisation du KGB, qui là aussi a évidemment été abandonné, mais qui rajoute encore au mystère à cette zone. Ah, ça, c'est un endroit vraiment mystérieux. J'ai pu y aller à quelques reprises. Généralement, l'accès, même à ce jour, est interdit, mais on peut toujours s'arranger avec les gens qui sont responsables de la sécurité. C'est un énorme radar, c'est-à-dire, c'est comme un grillage qui fait 900 mètres de long et 150 mètres de haut, avec comme ça c'est une structure métallique extrêmement complexe. C'est un peu quand vous regardez ce radar de près, c'est comme regarder la tour Eiffel quand vous êtes juste en bas, vous voyez. Et autour de ce radar, il y avait une ville secrète en Union soviétique. Il y avait des villes secrètes, on les appelait villes fermées, qui ne figuraient pas sur les cartes, qui portaient généralement un nom de code. Cette ville-là s'appelait Tchernobyl 2, mais elle ne figurait encore une fois sur aucune carte. Et c'était une garnison militaire qui s'occupait de faire marcher ce radar. Mais la garnison avait aussi leur famille, les enfants, un jardin d'enfants, une école, un tir, etc. Et ce radar n'a jamais été décontaminé. Ça reste une énorme structure comme ça, mystérieuse. Alors autour de la table nous a rejoint Anders Møller, qui est chercheur au CNRS. Vous avez mené des études sur les conséquences écologiques de l'accident à Tchernobyl. Bonjour à vous. Merci de nous rejoindre. Vous avez un point commun, tous les deux, Anders Møller et Galia Ackermann, c'est que vous vous êtes rendus sur cette zone d'exclusion. Anders Møller, vous y êtes allé très tôt, dans les années, dès 91, vous êtes allé étudier l'impact de cette radioactivité sur l'environnement, sur l'écologie de cette zone. Oui, exactement. C'est qu'est-ce que nous avons commencé de faire parce que nous avons commencé de lire la littérature. Il y avait très très peu, et ça m'étonnait beaucoup parce que c'est des incidents extraordinaires. Et si on ne fait des choses pour apprendre, qu'est-ce que sont les conséquences d'un tel accident, c'est encore plus pire que si on a tourné le dos. Oui, alors Galia Ackermann, ce qui surprend, c'est que si cette zone est interdite, c'est qu'on imagine qu'elle n'est pas forcément bonne pour la santé. Vous y êtes allé, hein, l'un et l'autre. Vous y êtes allé pourquoi, Galia Ackermann? Ben, vous savez, j'ai toute une histoire avec Tchernobyl, mais je dirais, pour être bref, que en 2003, le Centre de culture contemporaine de Barcelone m'a proposé de faire une grande exposition sur Tchernobyl. Je pense qu'à ce jour, c'était une seule grande exposition consacrée à Tchernobyl. Mais il fallait rassembler le fonds à exposer parce que je n'avais pas où le prendre. Et donc, j'ai commencé à aller en Biélorussie et beaucoup plus souvent encore en Ukraine, pour non seulement rencontrer des gens, mais pour trouver les objets. Et bien sûr, je me suis rendue à plusieurs reprises aussi dans la zone interdite. Mais quel risque on prend quand on pénètre cette zone interdite aujourd'hui ? C'est-à-dire, il y a des précautions à prendre, vous êtes habillée de façon particulière, il faut que les conditions météorologiques soient spéciales. Comment ça se passe ? Écoutez, il vaut mieux toujours aller quand il fait pas très beau. Je n'ai jamais porté de costume, pour tout vous dire, j'ai même jamais porté de compteur à mesurer la radioactivité. Mais j'ai vu des jeunes gens qui viennent, par exemple, en excursion, qui mettent une sorte de scaphandre, comme s'ils allaient sur la Lune. Maintenant, c'est vrai qu'il faut prendre des précautions, parce que cette zone contient aussi à peu près 1000 décharges radioactives, dont quelques-unes, c'est des constructions récentes, mais il y a beaucoup de décharges, je dirais, sauvages, c'est-à-dire au fur et à mesure que continuaient les travaux de décontamination, ce qu'on appelle les travaux de liquidation de l'accident, d'où ce terme liquidateur, on enterrait les engins contaminés parce que le métal absorbe bien les particules radioactives. Cette zone, elle est contaminée pour combien de temps encore? Ça dépend. Vous savez, je pense que les abords de la centrale sont toujours extrêmement contaminés, malgré tous les travaux. De nouveau, ça dépend comment souffle le vent. Il y a des endroits, quand vous passez en voiture, il faut passer vite pour ne... Voilà. Il y a la ville de Pripyat qui est contaminée au plutonium. Donc, elle est simplement condamnée pour des dizaines de milliers d'années. C'est ça. Anders Møller, quand on dit que cette zone est condamnée pour 24 000 ans, on exagère ou c'est vraiment ça? Ça dépend des radionuclides. Il y a certains qui ont une demi-vie très courte. Et iode, par exemple, c'est 8 à 9 jours seulement. Mais les radionuclides plus dangereux, c'est strontium et cesium, avec une demi-vie de 30 ans. Ça veut dire après 30 ans environ, et la moitié reste. D'accord. C'est-à-dire que les particules les plus radioactives... Le plutonium, c'est encore plus pire, parce que la demi-vie de plutonium, c'est 23, 25 000 années. Ça veut dire, c'est pas quelque chose qui va changer pendant ma vie ou la vie de vous. Très bien. Donc, ça veut dire que les particules les plus nocives ne sont plus radioactives, elles disparaissent les plus rapidement, et certaines seront là encore... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est simplement des isotopes différents qui ont aussi une action différente sur l'organisme. Mais le plutonium, sous forme de particules, il s'agglutine à la poussière. C'est pour ça que quand vous allez à Pripyat contaminé par le plutonium, il est interdit de boire, de manger et de fumer, pour ne pas augmenter le risque d'inhaler une particule. Parce qu'après, elle se loge dans votre poumon, elle vous irradie de l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que le plutonium, comme il a une durée de vie... Donc, pour terminer complètement avec la contamination de la ville de Pripyat, il faut au total 240 000 ans. Et disons, dans 5 000 ans, la ville disparaît complètement, la végétation pousse dessus, tout va bien, et quelqu'un veut construire quelque chose à cette place. On creuse pour poser des fondations. On peut inhaler la particule, et elle va toujours se loger dans vos poumons, dans 5000 ans, ou dans 10 000 ans, ou dans 20 000 ans, etc. Ouais. Alors nous allons essayer dans cette émission de comprendre les conséquences de cette catastrophe dans la zone d'exclusion et au-delà pour les habitants qui habitent la région. Mais avant, petit retour sur le jour où l'accident s'est produit et où tout a basculé, le 26 avril 1986, appel au secours de la centrale. Allô Ivankova, nous avons besoin de vous à Pripyat. Venez, le toit des réacteurs 3 et 4 est en train de brûler. Allô, la caserne 242, où est l'incendie? Il y a une explosion entre les réacteurs 3 et 4. Il y a des gens à l'intérieur ? Oui. On sonne l'alarme. Je vais prévenir toutes les casernes. Leonid Alexeevitch, le toit du réacteur 4 de Tchernobyl est en feu. Oh mon Dieu. Galia Ackerman, que s'est-il passé exactement ce 26 avril 1986 dans le quatrième réacteur de la centrale de Tchernobyl ? C'est une expérience qui a été pourtant validée par le ministère correspondant, mais qui a mal tourné. Je ne vais pas raconter le détail, mais c'est une expérience qui a mal tourné. Et on sait que le réacteur de type RBMK, c'est l'abréviation, il peut devenir, sous certaines conditions, instable. Mais personne ne pensait qu'il puisse exploser. C'était la doxa de la science soviétique. Ce réacteur a été considéré comme quelque chose d'extrêmement fiable, de sorte qu'on disait qu'on pouvait l'installer même sur la place rouge sans aucun danger. Ouais, on a dit de pas le faire. Et l'explosion a été tellement forte que le couvercle du réacteur, qui pesait pourtant 2000 tonnes, a sauté comme un bouchon de champagne. Donc, en fait, ils ne comprennent pas les voix que nous entendons quand on appelle les pompiers, parce que personne n'imaginait que le réacteur a sauté. Il n'y avait pas de feu sur le toit du quatrième réacteur, parce que ce toit était posé à l'horizontale après un saut dans l'air. Et les petits incendies se sont déclarés dans la salle des machines, etc. On n'a pas pris la mesure de l'accident. On a envoyé des pompiers qui n'étaient pas préparés pour éteindre ce qui n'était pas réellement un incendie. Absolument, mais je vous dis encore une fois, il y avait toute cette génération d'ingénieurs et de scientifiques du nucléaire était élevée dans l'idée que c'était pas possible, point. Alors c'est le début de l'histoire, la catastrophe a encore des conséquences aujourd'hui et la zone d'exclusion n'est pas prête d'être de nouveau habitable, on l'a compris. Elle n'est pas pour autant déserte. Nous allons voir ce qui se passe sur cette terre fantomatique dans la suite de cette émission. Pour nous adresser un message ou une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou notre page Facebook. Avant de revenir en Ukraine, un petit détour par la Russie avec le Servigroup. Le temps d'un bivouac sur France Inter, Daniel Fievé. Лето, я и жарен как котлета. Время есть, а денег нету. Но мне на это наплевать. Лето, я купил себе газету. Газета есть, а пива нету. Я иду его искать. Лето. Сегодня сейшн в Ленсовета. Там будет то и будет это. А не сходить ли мне туда? Да-да-да-да-да-да-да. Лето. Все хулиганы при гостета. У них, наверное, вендетта. А впрочем, это ерунда. Да-да-да-да-да-да-да. Лето. Штаны и серты, как монета. Во рту дымится сигарета. Иду купаться в водоем. Лето. Недавно я услышал где-то, что скоро прилетит комета. И что тогда мы все умрем. Умрем. Лето. Лето. Лето. Лето. C'était Summer Zverigroup sur France Inter. Il est recommandé de prendre sur vous vos papiers d'identité et le strict minimum, ainsi que quelques denrées alimentaires. Tout en laissant temporairement vos habitations, veuillez s'il vous plaît ne pas oublier de fermer les fenêtres et de couper l'électricité, le gaz, de même que les robinets d'eau. S'il vous plaît, restez calme et organisé durant l'exécution de cette évacuation temporaire. Évacuation de la ville de Pripyat à 2 km, hein, vous le disiez, Galia Ackerman, de Tchernobyl. Ça se passe une trentaine d'heures après l'accident, après la catastrophe. On décide de faire évacuer toute la population. Ça se fait dans le calme, rapidement. Ça se fait dans le calme. En fait, la ville a été évacuée 36 heures après la catastrophe. Il y avait des cars qui étaient préparés. Les gens, on leur a annoncé cette annonce que nous venons d'entendre. Et je ne crois pas qu'on les trompait délibérément en disant qu'ils allaient revenir. Parce que c'est vrai que en mai et en juin, les liquidateurs ont fait un travail gigantesque en essayant de décontaminer la ville de Pripyat pour que les gens puissent revenir. Et c'est en juin, au début juillet, qu'ils ont décidé, enfin la commission scientifique qui était là, que c'était impossible et que c'est pour toujours. Ensuite, on a permis aux gens de revenir brièvement pour prendre quelques effets personnels, pas les meubles. Et c'en était fini, mais vous savez, Pripyat, on l'a évacué 36 heures après l'accident, mais après, dans les jours suivants, dans le mois suivant, au mois de mai, on a aussi évacué les habitants de la ville de Tchernobyl, qui, elle, a donné le nom à la centrale et se trouvait à 17 km de la centrale, donc elle était moins contaminée. Et de tous les villages de la zone interdite, c'est-à-dire au total, il y avait 115 000 personnes qui ont été évacuées. Anders Møller, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voudrais seulement rajouter qu'il y a une très grande hétérogénéité en termes de distribution des radionucléides. C'est en particulier le cas avec le plutonium. Donc, notre groupe a identifié une vingtaine de différents sites avec une contamination avec plutonium aujourd'hui. Donc ça explique aussi pourquoi c'est possible de trouver les effets de plutonium et autres radionucléides sur l'abondance et status et conditions des animaux sauvages. D'accord. Alors évidemment, on reviendra plus tard dans cette émission sur les effets sur la biodiversité, sur la faune sauvage que vous avez effectivement étudié pendant de nombreuses années dans cette zone. Et pendant que l'on évacuait la population, on a recruté en urgence et dans les semaines qui ont suivi aussi, des gens pour tenter de sécuriser le site. Et à en croire ce témoignage, il n'a pas été difficile de trouver de la main d'œuvre parmi les mineurs de l'ex-URSS. Il y avait tellement de volontaires qu'il a fallu faire une sélection, ne prendre que les meilleurs. On est parti d'ici à l'aube, pour Moscou, puis Kiev, et enfin Tchernobyl. J'ai fait ma valise, pris ma plus belle chemise, mon plus beau pantalon. Je croyais que le soir, après le boulot, on irait danser, on ferait la fête. Même s'ils nous avaient dit que c'était dangereux, on y serait allé malgré tout. On est fait comme ça, vous comprenez, nous, on est des enthousiastes. Sur les 450 mineurs partis de Nikouline, un tiers est mort depuis. Le 14 mai, 18 jours après l'explosion, ils sont à pied d'œuvre. Pour contenir les fuites radioactives, il va falloir couler une dalle de béton sous le réacteur numéro 4. Deux semaines durant, sans la moindre protection, les mineurs de Toula vont creuser un tunnel, dégager au pas de charge des milliers de mètres cubes de sable, un wagonnet d'une tonne et demie toutes les deux minutes. Galia Ackerman, ces hommes qui ont permis de contenir la catastrophe sont nommés les liquidateurs. Alors, il est étonnant qu'ils y soient allés avec une telle légèreté. On a l'impression qu'ils n'avaient pas conscience du danger. À quoi a servi exactement leur travail? Les liquidateurs ont eu des tâches énormes parce que il ne s'agit pas simplement de décontaminer les environs, décontaminer surtout les abords de la centrale, Ensuite, construire le sarcophage, c'était aussi les liquidateurs. Il y avait d'énormes travaux aquatiques pour empêcher les radionucléides de passer dans les eaux souterraines ou dans les eaux des petits ruisseaux, etc., qui tombaient dans la rivière de Pripyat. Et la rivière de Pripyat est un affluent de Dniepr. C'est-à-dire que si les radionucléides en masse passaient dans Pripyat, ensuite, toute l'Ukraine aurait eu de l'eau contaminée et c'est la principale source d'alimentation en eau potable, le Dniepr. Donc il y avait ça. Ensuite, il y avait des travaux électriques. Quand tout a été évacué, on a par exemple coupé l'électricité dans toute cette zone, etc. Et les mineurs, c'était juste un épisode, mais il y avait plusieurs épisodes dont on peut parler comme des épisodes héroïques. Mais il faut aussi ne pas oublier une chose, c'est très important, c'est qu'une partie de ces travaux n'aurait pas été nécessaire si la direction soviétique n'avait pas voulu à tout prix de remettre en marche la centrale. Et remettre en marche la centrale était un point de fierté parce que le communisme devait vaincre l'atome et pas l'inverse. Et pas l'inverse. C'est pourtant l'atome, c'est quand même bien bien défendu sur ce coup-là. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi la centrale de Tchernobyl, Anders Møller? Dans quel état est la centrale? Comment a-t-elle été sécurisée? Oui, il y avait des efforts énormes de sécuriser tout ce qui reste en termes de radionucléides, mais c'est aussi très important de pas oublier le fait que il n'y a pas un groupe contrôle témoin pour faire des analyses médicales, des analyses pour comprendre quelles sont les conséquences de cet accident pour la santé des liquidateurs. On peut seulement faire des analyses comme ça en utilisant les liquidateurs et les groupes contrôle complètement comme l'un l'autre. Ça veut dire il faut avoir une bonne connaissance au début pour essayer de comprendre lesquelles sont les conséquences pour la santé. Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites. C'est que on sait que ça a forcément eu un effet sur leur santé à ces liquidateurs qui sont un peu allés se frotter à cette zone radioactive. Sauf qu'il est très difficile, d'un point de vue épidémiologique et formel, de savoir qui a été vraiment rendu malade à cause de ça. On en a quand même une idée, Galia Ackermann. On pense que sur quelques centaines de milliers de liquidateurs, le nombre, je crois, d'après ce que j'ai pu étudier, s'approchait d'un million sur 5 ans qui ont passé par cette zone, donc de 86 à la fin de 91, la date de l'éclatement de l'Union soviétique, après quoi tous les travaux se sont arrêtés parce qu'il n'y avait plus assez d'argent nulle part. On pense que près de 200 000 personnes sont mortes prématurément. Mais bien sûr, comme vous dites, c'est toujours très difficile de dire 20 ans après ou 15 ans après, est-ce que la personne est morte des suites donc de ce frottement, comme vous dites, à la radioactivité, ou est-ce que ce sont d'autres facteurs, l'alcool, mauvaise hygiène de vie, etc. Simplement, quand dans la zone Vous savez, il y a des antennes de différents instituts de recherche, les postes de police, etc. Vous rentrez, il y a toujours à l'entrée un grand panneau avec les noms d'hommes qui sont morts en travaillant pour cet établissement. Et vous regardez l'âge de ces personnes qui devaient avoir tous entre 30 et maximum 40 ans. Au moment de l'explosion, eh bien, les listes sont longues. Ouais, ouais. Donc le taux de mortalité pour cet âge relativement jeune est étonnamment important. Malgré les risques, la terre et l'environnement contaminés, certains habitants ont choisi de revenir délibérément et de vivre là où ils habitaient avant la catastrophe, dans la zone d'exclusion. C'est le cas d'Anna. Je suis revenue ici car cette maison, c'est ma patrie. C'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer. C'est comme si on se séparait de sa mère. Quand je suis revenue la première fois, les avions avaient balancé un produit noir sur toute la zone. Moi, je me suis dit, je vais essayer de manger une framboise sans la laver. Et si je meurs, c'est le destin. Et vous voyez, je suis toujours là. Étonnant d'abord, ça veut dire qu'ils ont le droit, ou en tout cas c'est toléré, on peut vivre aujourd'hui dans la zone d'exclusion sans être mis à la porte. On a essayé de mettre à la porte tout le monde au début, mais certaines personnes carrément ont refusé de partir ou se sont cachées quand l'armée ramassait donc les habitants et les forçait à être évacués. Et d'autres ont rampé sous les barbelés et sont revenus pendant plusieurs années. Ils ont vécu un peu comme au Moyen-Âge, parce que j'ai déjà dit l'électricité était coupée, donc ils ont cultivé un peu à la pelle leur lopin de terre. Certains réussissaient ensuite à amener une vache. Ils avaient des poules. Enfin bon, voilà. Et il faut dire qu'ils n'étaient pas malheureux, c'est vrai. Et souvent, j'ai entendu, parce que j'ai côtoyé pas mal cette population, mais il s'agit de quelques centaines de personnes. Oui. C'est pas énorme. Hein. Je pense qu'il n'y a jamais eu plus de 500 personnes dans la zone qui vivaient en permanence. Mais donc, on peut vivre longtemps. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont restés comme ça plusieurs années dans cette zone d'exclusion. Et j'ai vu des gens qui pêchaient le poisson dans Pripyat et qui me disaient « Oui, mais la radiation se concentre dans les arêtes, mais la chair, on peut la manger. » Du moment qu'on mange pas les arêtes. Ouais. Voilà. Maintenant, il faut dire aussi que certains aliments, certaines plantes accumulent en effet beaucoup de radionucléides, d'autres absorbent beaucoup moins. Les baies et les champignons sont très nocifs. Par exemple, les pommes de terre, surtout si vous les épluchez, c'est pas si grave. Et puis c'est le césium, c'est un élément aussi qui s'est conduit en douceur. Donc voilà, c'est les destins individuels. Anders Møller, vous êtes plus particulièrement intéressé à l'état de la faune et de la flore. Vous allez nous dire dans un instant si c'est vrai ce que l'on entend dans certains reportages, comme l'exemple que nous allons entendre. À en croire ce reportage, la faune sauvage a repris ses droits dans la zone d'exclusion. Sur ces images exceptionnelles filmées par un zoologiste ukrainien, 4 loups dans l'une des rues de la ville. Au sommet de la chaîne alimentaire, les loups sont les nouveaux maîtres de la zone où la chasse est formellement interdite. Regardez toutes ces traces. Elles vont d'un village à l'autre. Chaque meute s'est appropriée un village abandonné. Et chaque jour, les loups font le tour de leur territoire. On croirait presque à entendre ce reportage que la catastrophe a aidé la biodiversité et la faune sauvage. C'est le cas, Anders Møller ? Vraiment pas. Le problème est le même comme chez l'homme. Il n'y a pas des bonnes études épidémiologiques. Et donc on ne peut dire rien à base d'une telle histoire. Le problème est que les loups ne sont pas seulement augmentés en termes de nombre dans le zone d'exclusion, mais aussi partout en Europe. En France, il y a une forte augmentation. Au Danemark, c'est pareil, aux Pays-Bas, Allemagne, la Suisse, et Italie, etc., etc. Ouais. Donc, dans tous les pays européens, il y a une augmentation de la taille des populations des loups. Et donc, c'est un peu difficile de comprendre comment est la relation entre ces systèmes-là et la contamination radioactive. C'est juste un espace qui a été laissé à l'abandon, donc les bêtes sauvages, forcément, aiment à aller s'y retrouver. Oui, beaucoup de gens disent ça, mais je ne suis pas d'accord. Parce que il y a, comme j'ai déjà décrit pour la radioactivité, il n'y a pas des données qui montrent que dans les pays où il y a une population des hommes plus faible, il y a plus des animaux sauvages. Mmh. C'est pas le cas. Et donc, il reste des bonnes analyses et c'est pas fait. Alors, il reste des analyses à faire. Vous en avez fait sur les mammifères, les oiseaux, et vous avez constaté qu'effectivement, des mutations s'étaient opérées sur ces animaux. Oui, et au début, il y avait une très faible connaissance sur le taux de mutation chez les animaux et les plantes dans la nature. Il y a beaucoup d'études faites au laboratoire, mais c'est l'autre chose. Donc, nous avons commencé de faire des analyses des taux de mutation chez les hirondelles, où nous avons démontré une augmentation par un facteur 20 à 30 en termes de taux de mutation. Et c'est énorme. Il y a, après nos études, des autres qui montrent aussi une forte augmentation. C'est le cas chez les mammifères, chez les plantes, chez beaucoup de différents organismes sauvages. Chez les petits rongeurs, vous observez une diminution de la taille du cerveau, si j'ai bien compris? Oui, c'est le cas chez les petits rongeurs, c'est aussi le cas chez les oiseaux, les hirondelles. Et il y a une étude faite en Biélorussie chez l'homme qui montre aussi une baisse de la taille du cerveau, par en moyenne 5%. Suite de notre bivouac dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, nous allons voir qu'un certain tourisme s'y est développé dans un instant. Et puis vous répondrez, Galia Ackermann et Anders Moller, aux questions des auditeurs qui sont arrivés pour vous. It's almost impossible to do when it comes down to talking about you. You're more valuable than gold, girl, than anything else in this world. And I'm so proud to say you're my girl. You're what's needed in my life, girl. You're what's needed. Not only just me, so many people that have met you, I'm sure they will agree. You're so considerate of others, so heavenly. You're everything, you're everything you need. So what's needed? Could I go home if I wake up and find you gone? I don't know what I'll do, but I'm so happy at this moment I got you. And I'm gonna tell you one more time. You're what's needed in my life. C'était Lead Fields et The Expression sur France Inter, le temps d'un bivouac. Nous sommes maintenant tout près de l'attraction la plus célèbre de la ville. Une grande roue qui fait partie d'un parc de loisirs. Le symbole est d'autant plus fort que cette roue n'a jamais été exploitée. Elle devait être inaugurée le 1er mai 1986, soit 5 jours après la catastrophe de Tchernobyl. Cette grande roue qui n'a jamais tourné n'en est pas moins devenue l'une des plus célèbres du monde. C'est formidable de pouvoir faire un voyage aussi extraordinaire. Il n'y a pas d'équivalent. C'est une aventure qu'on peut chercher longtemps ailleurs dans le monde. Extrait du documentaire Tchernobyl, voyage en zone d'exclusion diffusé sur Arte. Ça paraît étonnant, je vous voyais sourire tous les deux, Galia Ackermann et Anders Møller, ces touristes qui décident d'aller explorer cette zone, ce terrain radioactif. Il y a depuis longtemps ce tourisme et c'est vrai que ces dernières années, ça se développe de façon presque exponentielle. Maintenant, après la série américaine, bien sûr, ça va augmenter encore. Mais déjà l'année dernière, il y avait plus de 80 000 personnes qui ont visité la zone d'exclusion. Je pense que les gens sont attirés par, enfin, les motivations peuvent être différentes. Les uns veulent voir ce Pompéi soviétique, les autres veulent avoir un peu d'adrénaline parce qu'ils se baladent avec un compteur et le compteur stridule et ils comparent combien ça stridule ici, combien ça stridule là. Il y a le goût du danger, il y a même des touristes sauvages qui ne passent pas par des agences, qui pénètrent de façon illégale dans la zone, qui par exemple font des sauts en parachute depuis le radar, qui n'a jamais été décontaminé, je vous dis. Et puis il y a des gens qui sont attirés par cet espace extrêmement bizarre, la plus grande territoire de la zone qui fait 4000 km² est boisée, il y a personne, il y a très rarement des voitures passent sur les routes, et donc vous êtes dans un temps et dans un lieu hors tout autre contexte, vous voyez. Anders Møller, justement, la forêt irradiée de Tchernobyl, elle est spécifique. Il n'y a pas besoin d'être chercheur pour se rendre compte qu'il lui arrivait quelque chose à cette forêt, quand on la regarde. On peut facilement regarder les arbres et décider le taux de radiation. Par exemple, les pins et les chênes sont fortement perturbés par la radiation. Et on peut facilement regarder... Ici, il y a un arbre, une chaîne dans un endroit fortement contaminé ou dans un autre endroit où c'est faiblement contaminé. La morphologie est comme partout dans le monde. Et si on regarde les mêmes espèces en Europe, il y a une faible fréquence des anomalies par rapport à ce qu'on peut voir à Tchernobyl. Mais c'est aussi intéressant juste un petit commentaire, c'est intéressant de regarder que les touristes, c'est pas tout le monde, c'est les jeunes hommes entre 25 et 30 ans. Ah oui, la sociologie du touriste qui vient se faire le frisson à Tchernobyl. Il y a très très peu de femmes, et bien sûr c'est pas l'une de distinction et l'une de miel pour la plupart des gens. C'est pas une lune de miel, oui. Alors, il y a Zuka, je sais pas si c'est un homme ou une femme, Zuka, qui vous demande, peut-on visiter la centrale de Tchernobyl, Galia Ackermann? Moi, j'ai été autorisée à visiter la centrale, j'ai été à l'intérieur. Vous savez que dans cette centrale, la plupart du personnel travaille toujours, ou plutôt se rend au travail, parce que la centrale ne produit plus l'électricité. Mais je ne crois pas que ça fait partie des itinéraires touristiques. Le touriste peut juste... Il y a un terrain d'observation, une sorte de terrasse, sur laquelle on peut monter pour voir tout le terrain autour de la centrale, et ensuite, il y a une salle où on vous montre une grande maquette du réacteur explosé, où on vous fait une petite conférence sur ce qui exactement s'est produit. Alexandre vous demande, suite à la catastrophe, avons-nous une idée du nombre de victimes au niveau international des nuages radioactifs ? Non, absolument pas. Parce que chaque pays a fait ses statistiques. Ces statistiques sont contestées. Quand en France, des associations de victimes du passage du nuage sont allées en justice, ils ont été déboutés parce que il y a un nombre plus important de cancers de la thyroïde, mais on ne peut pas attribuer des cancers concrets au passage du nuage. C'est ça la difficulté. Anders Møller. Malheureusement, la taille de population morte après l'accident, ça varie entre 9 personnes. Il y a un chercheur en Pologne qui dit ça, jusqu'à 900 000 personnes. Il y a ça fait une grande fourchette, oui. Oui, c'est quelques pas dedans, mais où, c'est la question. Alors, une autre question de Martin qui vous demande, est-ce que la Russie, ou plus précisément l'Ukraine, a pris des mesures sur les autres usines nucléaires du même modèle après l'accident de Tchernobyl ? Est-ce que cet accident a servi de leçon ? Oui, c'est-à-dire, ils n'ont pas renoncé à ces réacteurs RBMK qui donc avaient cette défaillance de devenir instables sous certaines conditions qu'on considérait comme purement hypothétiques et qui se sont avérées réelles. Et donc, des améliorations dans la construction de ce type de réacteur ont été faites. Et ce n'était pas la Russie ou l'Ukraine, c'était encore l'Union soviétique, parce que on est quand même à l'époque de l'accident en 86 en Union soviétique. Donc, ça a été fait sur toutes les centrales. Très rapidement, en 30 secondes, une question que je me pose. Est-ce que, puisque on en a pour plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'années avant que toute la radioactivité ait disparu, est-ce qu'on a prévu une façon de communiquer aux générations futures, si tant est qu'il y en ait encore dans ce laps de temps, pour leur expliquer ce qui s'est passé? Vous savez, j'ai été dans une décharge, d'une de ces décharges modernes, c'est-à-dire un lieu de stockage d'engins radioactifs, et l'ingénieur avec qui je parcourais ce lieu, il m'a dit que ce serait qu'on les enterre selon une technologie spéciale pour 300 ans. Et je lui ai demandé, dans 300 ans, vous êtes sûr que ça va tenir ? Il m'a dit, madame, ni vous ni moi ne serons pas là. Merci Anders Møller et merci Galia Ackermann. Je rappelle le titre d'un de vos ouvrages, Traverser Tchernobyl, aux éditions Premier Parallèle. Allez, dans un instant, on va se changer les idées en contemplant les étoiles et en prenant une bouffée d'air frais à l'observatoire du Pic du Midi. Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi. Les barricades, les voltigeurs et puis quoi? Cours, camarade, les épaves de pavés, les bousculades, les cocktails et puis après. Cours, camarade, le vieux monde sans la poussière. Dernière ruade, et on l'enterre à Nanterre. Cours, camarade, redis-nous ton beau discours sur ton estrade, le poing levé, le cœur lourd. Camarade, le vieux monde reprend son souffle. Quelques décades et tu rentres dans ses pantoufles. Cours, camarade, tes affiches et tes slogans, comme tu les brades pour vendre des brosses à dents. Cours, camarade, le vieux monde t'a rattrapé. Il est malade, tout prêt à agoniser. Cours, camarade, comme tu en crèves avec lui. T'as des bandades comme on en crève aujourd'hui. C'était Cours Camarade, Alex Baupin sur France Inter. Et c'est le moment de retrouver notre reportage en partenariat avec CNRS Le Journal. Aujourd'hui, nous nous rendons au Pic du Midi dans les Hautes-Pyrénées, là où depuis 1873, des scientifiques scrutent le ciel. C'est à 2877 mètres d'altitude que se situe l'observatoire, dirigé par des chercheurs de l'observatoire Midi-Pyrénées avec le CNRS et l'université Toulouse-Paul Sabatier. Notre reporter Clément Baudet a visité les lieux en compagnie de l'astronome Rémi Cabanac. Rémi Cabanac, je suis responsable scientifique par intérim de la plateforme scientifique du Pic du Midi. Ici, on est sur la terrasse principale du Pic du Midi, donc à 2860 mètres à peu près. On voit pratiquement toute la chaîne des Pyrénées, depuis Biarritz jusqu'à Perpignan. D'ici, on voit toutes les coupoles du sommet. Il y en a combien en tout ? Alors, il y a 9 coupoles, dont 5 encore en activité scientifique, et puis une qui est dédiée au grand public et à l'accueil des visiteurs la nuit. Je vous suis. La météo au Pic du Midi est souvent très mauvaise. Et on doit pouvoir se promener sur toute la montagne à travers un réseau de couloirs. C'est un petit peu labyrinthique, hein ? Ah, c'est très labyrinthique et il y a en tout entre 4 et 5 km de couloirs sur plusieurs niveaux. Donc le télescope qu'on va visiter, ce sera le télescope Bernardino de 2 mètres. Donc là, nous sommes à l'intérieur de la coupole et on sent qu'il y a beaucoup de bruit. Oui, alors ce bruit, ce sont les aérothermes qui ont deux fonctions. La première, c'est de contrôler la température à l'intérieur de la coupole elle-même et puis d'enlever l'humidité de l'air. On s'est aperçu qu'une grande partie de la turbulence dans les coupoles venait du bâtiment lui-même. Et donc une façon de s'abstraire de cette turbulence est de s'assurer que la température dans le dôme et à l'extérieur sont les mêmes au moment où on commence à observer. Alors, ce télescope, c'est le plus grand télescope sur le sol français. Donc, le miroir primaire ici fait un petit peu plus de 2 mètres. Vous avez accompagné des équipes, vous, en observation dans cette coupole ? Mais oui, j'ai accompagné souvent. J'ai même observé moi-même pendant des nuits d'observation dans ce télescope. Les nuits d'hiver peuvent durer jusqu'à 12 heures d'observation continue. Alors, vous savez, on ne travaille pas dans la coupole elle-même. On travaille à un niveau en dessous, où naturellement il fait beaucoup plus chaud et on peut travailler de façon confortable pendant la nuit. La science qu'on fait au télescope Bernardino est une science très orientée sur les origines du système solaire, par exemple, et des systèmes exoplanétaires en général. D'où venons-nous ? Comment est né le cortège de planètes autour du Soleil ? Comment naissent les planètes autour des autres étoiles de notre galaxie ? Comment elles meurent ? Tout ça, ce sont des questions que l'on se pose et avec lesquelles les instrumentations du télescope Bernardino nous permettront de répondre. Donc là, on sort sur le bord de la coupole. Ici, on est sur le chemin de ronde de cette coupole de 30 mètres de haut. Et c'est la seule coupole que l'on voit depuis la plaine. Ce chemin de ronde, il sert aux astronomes à tester la qualité du temps. Alors bien sûr, on a des instruments scientifiques qui nous permettent de mesurer l'humidité, le vent même. Mais on a besoin de voir s'il y a de la neige volante. Et ça, on peut le faire que si on sort et qu'on regarde. Donc pendant la nuit, on monte ici de temps en temps et on s'assure que les conditions sont optimales pour l'observation. Le télescope Bernardino a fait un certain nombre de découvertes fondamentales dans l'étude du champ magnétique autour des étoiles. Les modèles nous disaient que le champ magnétique dans les étoiles avait notamment une application, par exemple, dans la formation des planètes, dans le début et la vie des étoiles elles-mêmes. Mais c'était des modèles, donc il fallait confirmer, infirmer, d'abord l'origine de ces champs magnétiques et puis leur impact sur la vie des étoiles. Et ça a pu être fait avec le télescope Bernardino au cours des 10-15 dernières années. Cette observation moderne utilise à la fois des ordinateurs qui font que tout est automatisé. Pour autant, la magie de l'observation reste, puisque tout ce qu'on observe est nouveau et, pour la plupart des cas, n'a jamais été fait auparavant. Alors on voit autour de nous beaucoup de public, grands et petits. La science, ce n'est pas uniquement la recherche, c'est aussi la transmission, la diffusion et l'enseignement, avec l'accueil à la fois d'étudiants qui viennent observer, donc de niveau universitaire, la formation de professeurs et d'enseignants du secondaire et du primaire, et puis l'accueil du grand public et des jeunes élèves qu'on voit ici en dessous de nous, qui viennent visiter les coupoles et qui viennent se former un petit peu à l'observation et à la méthode scientifique. Merci Clément Baudet. Vous pouvez retrouver tous les reportages de Clément sur le site lejournal.cnrs.fr dont le Temps d'un bivouac est partenaire. Vous trouverez sur ce site une multitude d'articles de vulgarisation scientifique. C'est en accès gratuit. On va mettre le lien vers le site du CNRS Le Journal sur la page du Temps d'un bivouac sur franceinter.fr. Juste après le flash, comme tous les mercredis en deuxième heure, nous partirons sur les pas d'un voyageur d'hier qui a marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous allons vous raconter le premier tour du monde en bateau réalisé par l'expédition de Fernand de Magellan. C'était il y a 500 ans, tout juste. À tout de suite.